Bon. Comment dites-vous je veux le voir? Voglio vederlo. Voglio vederlo. Je veux le voir. Voglio vederlo. Ou alors, vous pourriez dire aussi je voudrais le voir. Au conditionnel, c'est-à-dire? Vorrei vederlo. Pas vorrei, mais vorrei. Ah oui, vorrei. Oui, au futur et au conditionnel, pour la forme qui correspond à je, on insiste sur la dernière syllabe. Vorrei. En fait, ce qui représente le conditionnel dans vorrei, c'est le rei. Vorrei vederlo. Je voudrais le voir. Comment dit-on je le verrai? Un futur cette fois. Vedrò, non, lo vedrò. Il faut insister sur les bonnes lettres, si vous voulez qu'on vous comprenne facilement. Quelle est la règle au futur et au conditionnel? Ah, lo vedrò. C'est ça. On insiste sur la fin du mot. Lo vedrò. Je le verrai. Lo vedrò. Et comment dites-vous il le verra ou vous le verrez? Lo vedrà. Lo vedrà, oui. Et nous le verrons? Lo vedremo. Bien, lo vedremo. Rappelle-moi encore comment on dit je le verrai au futur. Lo vedrò. Lo vedrò. Et comment diriez-vous je le verrai? Inconditionnel. Lo vedrei. Lo vedrei. Très bien. Donc, ra, c'est le futur. Et rei, c'est le conditionnel. Comment diriez-vous je ne le ferai pas? C'est encore inconditionnel. Non lo farei. Bien. Non lo farei. Je ne le ferai pas. Maintenant, vous allez dire je serai ici. Une phrase au futur, donc. Sarò. Non, recommencez. Sarò qui. C'est ça, sarò qui. Et je serai ici, conditionnel? Sarei qui. Sarei qui. Bien. Comment dit-on maintenant je voudrais le voir? Vorrei vederlo. Vorrei vederlo. Il voudrait, elle voudrait ou vous voudriez se dit vorrebbe. La terminaison est rebbe. REBBE. Rebbe. La terminaison qui correspond à je est rei. Et pour vous, il, elle, c'est rebbe. Rebbe. C'est valable pour tous les verbes. Rei et rebbe. Rei et rebbe. Donc, au futur, on a ro et ra, et au conditionnel, rei et rebbe. Pour l'accentuation, on insiste sur le son qui suit le r, au futur comme au conditionnel. Alors, comment diriez-vous je voudrais? Vorrei. La terminaison qui correspond à je est bien rei pour tous les verbes au conditionnel. Mais pour volere, il faut aussi redoubler le r de la terminaison. Vorrei. Vorrei. Vorrei. Oui. Dites-moi maintenant, il voudrait, elle voudrait ou vous voudriez. Vorrebbe. Vorrebbe. Oui. Et donc, voudriez-vous le faire, se dit? Vorrebbe farlo. Vorrebbe farlo. De même, comment diriez-vous, voudriez-vous le voir? Vorrebbe vederlo. Vorrebbe vederlo. Maintenant, traduisez-moi, quand voudriez-vous y aller? D'abord, rappelez-moi comment on dit aller. Andare. Andare, oui. Et y aller se dit andarci. Ci, qui s'écrit CI et qui signifie, comme nous l'avons déjà vu, I ou la. Andarci. Andarci, c'est la contraction de andare et de ci. Donc, reprenons. Quand voudriez-vous y aller? Quando. Mm-hmm. Quando vorrebbe. Mm-hmm. Andarci. Quando vorrebbe andarci? Maintenant, vous allez dire il ne l'achèterait pas. Non lo comprerebbe. Presque, mais pas tout à fait. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore expliqué. C'est co-conditionnel avec les verbes en are. Au lieu d'avoir arei et arebbe, on a irei et irebbe. C'est la même règle qu'au futur, en fait. Comment diriez-vous au futur? Je l'achèterai demain. Lo comprerò domani. Très bien. Lo comprerò domani. Et maintenant, au conditionnel, je l'achèterai. Lo comprerei. Lo comprerei. Tout à fait. Je pense que vous avez bien compris maintenant cette particularité du futur et du conditionnel pour les verbes en are, à savoir que le a de are devient e. Comment diriez-vous au conditionnel je parlerai avec lui? Parlei. Quel est l'infinitif parler? Parlare. Oui, donc parlerei. Oui, mais attention à l'accentuation. Au futur et au conditionnel. Parlerei. Parlerei. Parlerei avec lui. Parlerei con lui. Parlerei con lui. Bien. Maintenant, quelque chose de légèrement différent. Je lui parlerai au conditionnel. Comment dit-on lui dans ce cas? Li. Oui, bien. Li parlerei. Li parlerei. Je lui parlerai. Donc, il y a deux possibilités. Soit parlerei con lui, je parlerai avec lui, comme vous avez dit tout à l'heure. Soit li parlerei, je lui parlerai. Maintenant, vous allez dire le contraire. Je ne parlerai pas avec lui. Non parlerei con lui. Mm-hmm. Non parlerei con lui. Et maintenant, dites-moi, je ne le verrai pas. Toujours au conditionnel. Non lo vedrei. Non lo vedrei, c'est ça. Et comment dira-t-on, vous ne le verriez pas? Non lo vedrebbe. Non lo vedrebbe. Très bien. Comment diriez-vous maintenant? Ce sera très important. Sarà molto importante. Importante. Importante. Sarà molto importante. Bien. Sarà molto importante. Et au conditionnel, ce serait très important. Sarei molto importante. J'ai dit ce serait, et non pas je serais. Sarebbe. Sarebbe, oui. Sarebbe molto importante. Sarebbe molto importante. Comment diriez-vous maintenant ce ne serait pas possible comme ça? Ce ne serait pas possible. Sarebbe. Ce ne serait pas possible. Pas. Non sarebbe possible. Sarebbe, avec deux B, sarebbe possibile. Possibile. Non sarebbe possibile. Comme ça. Così. Voilà. Non sarebbe possibile così.